Section 14 de « Essai sur les révolutions, suivi des études historiques » par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Complément. Influence religieuse. C'est ici que les philosophes de la Grèce et ceux de la France ont eu par leurs écrits une influence absolument la même sur leur âge respectif. Ils renversèrent le culte de leur pays et en introduisant le doute et l'athéisme, et amenèrent les deux plus grandes révolutions dont il soit resté de traces dans l'histoire. Ce fut l'altération des opinions religieuses qui produisit en partie la chute du colosse romain, altération commencée par les sectes dogmatiques d'Athènes, et c'est le même changement d'idées religieuses dans le peuple qui a causé de nos jours le bouleversement de la France et renouvellera en peu la face de l'Europe. Je vais essayer de rappeler toutes mes forces pour terminer ce volume par ce grand sujet. Il faut, pour bien l'entendre, donner l'histoire du polythéisme et du christianisme. Loin d'ici celui qui chérit ses préjugés. Que nul qui n'a un cœur vrai et simple ne lise ces pages. Nous allons toucher au voile qui couvre le Saint des Saints et nos recherches demandent à la fois le recueillement de la religion, l'élévation de la philosophie et la pureté de la vertu. Histoire du polythéisme, depuis son origine jusqu'à son plus haut point de grandeur. Il est un dieu. Les herbes de la vallée et les cèdres du Liban le bénissent, l'insecte bruit ses louanges, et l'éléphant le salue au lever du soleil. Les oiseaux le chantent dans le feuillage, le vent le murmure dans les forêts, la foudre tonne sa puissance, et l'océan déclare son immensité. L'homme seul a dit « il n'y a point de dieu ». Il n'a donc jamais, celui-là, dans ses infortunes, levé ses yeux vers le ciel, ses regards n'ont donc jamais erré dans ces régions étoilées où les mondes furent semés comme des sables. Pour moi, j'ai vu, et c'est assez. J'ai vu le soleil suspendu aux portes du couchant dans les draperies de pourpre et d'or, la lune à l'horizon opposé montait comme une lampe d'argent dans l'Orient d'azur, les deux astres mêlaient au zénith leurs teintes de céruse et de carmin, la mer multipliait la Seine orientale en girandoles de diamants et roulait la pompe de l'Occident en vagues de roses. Les flots calmés, mollement enchaînés l'un à l'autre, expiraient tour à tour à mes pieds sur la rive, et les premiers silences de la nuit et les derniers murmures du jour luttaient sur les coteaux, au bord des fleuves, dans les bois et dans les vallées. Ô toi que je ne connais point, toi dont j'ignore le nom et la demeure, invisible architecte de cet univers, qui m'a donné un instinct pour te sentir et a refusé une raison pour te comprendre, ne serais-tu qu'un être imaginaire, que le songe doré de l'infortune? Mon âme se dissoudra-t-elle avec le reste de ma poussière? Le tombeau est-il un abîme sans issue ou le portique d'un autre monde? N'est-ce que par une cruelle pitié que la nature a placé dans le cœur de l'homme l'espérance d'une meilleure vie, à côté des misères humaines? Pardonne à ma faiblesse, Père des miséricordes. Non, je ne doute point de ton existence, et soit que tu m'aies destiné à une carrière immortelle, soit que je doive seulement passer et mourir, j'adore tes décrets en silence, et ton insecte confesse ta divinité. Lorsque l'homme sauvage, errant au milieu des déserts, eut satisfait aux premiers besoins de la vie, il sentit je ne sais quel autre besoin dans son cœur. La chute d'une onde, la susurration d'un vent solitaire, toute cette musique qui s'exhale de la nature et qui fait qu'on s'imagine entendre les germes sourdre dans la terre et les feuilles croître et se développer, lui parut tenir à cette cause cachée. Le hasard lia ses effets locaux à quelques circonstances heureuses ou malheureuses de ses chasses, des positions relatives d'un objet ou d'une couleur le frappèrent aussi en même temps, de là le Manitou du Canadien et le fétiche du nègre, la première de toutes les religions. Cet élément du culte, une fois développé, ouvrit la vaste carrière des superstitions humaines. Les affections du cœur se changèrent bientôt dans les plus aimables des dieux, et le sauvage, en élevant le mont du tombeau à son ami, la mère, en rendant à la terre son petit enfant, vinrent chaque année, à la chute des feuilles de l'automne, le premier répandre des larmes, la seconde épancher son lait sur le gazon sacré. Tous les deux crurent que ce qu'ils avaient tant aimé ne pouvait être insensible à leurs souvenirs. Ils ne purent concevoir que ces absences si regrettées, toujours vivant dans leurs pensées, eussent entièrement cessé d'être, qu'ils ne se réuniraient jamais à cette autre moitié d'eux-mêmes. Ce fut sans doute l'amitié en pleurs sur un monument qui imagina le dogme de l'immortalité de l'âme et la religion des tombeaux. Cependant, l'homme, sorti de ses forêts, s'était associé à ses semblables. Des citoyens laborieux, secondés par des chances particulières, trouvèrent les premiers rudiments des arts et la reconnaissance des peuples les plaça au rang des divinités. Leurs noms prononcés par différentes nations s'altérèrent dans des idiomes étrangers. De là, le Thoth des Phéniciens, l'Hermès des Égyptiens et le Mercure des Grecs. Des législateurs fameux par leur sagesse, des guerriers redoutés par leur valeur, Jupiter, Minos, Mars, montèrent dans l'Olympe. Les passions des hommes se multiplièrent avec les arts sociaux. Chacun déifia sa faiblesse, ses vertus ou ses vices. Le voluptueux sacrifia à Vénus, le philosophe à Minerve, le tyran aux déités infernales. D'une autre part, quelques génies favorisés du ciel, quelques âmes sensibles aux attraits de la nature, un Orphée, un Homère, augmentèrent les habitants de l'immortel séjour. Sous leurs pinceaux, les accidents de la nature se transformèrent en esprits célestes, la dryade se joua dans le cristal des fontaines, les heures au vol rapide ouvrirent les portes du jour, l'aurore rougit ses doigts et cueillit ses pleurs sur les feuilles de rose humectées de la fraîcheur du matin. Apollon monta sur son char de flammes, les zéphyrs, à son aspect, se réfugièrent dans les bois, Thétis rentra dans ses palais humides, et Vénus, qui cherche l'ombre et le mystère, enlaçant de sa ceinture le beau chasseur Adonis, se retira avec lui et les grâces dans l'épaisseur des forêts. Des hommes adroits, s'apercevant de ce penchant de la nature humaine à la superstition, en profitèrent. Il s'éleva des sectes sacerdotales dont l'intérêt fut d'épaissir le voile de l'erreur. Les philosophes se servirent de ces idées des peuples pour sanctifier de bonnes lois par le sceau de la religion et le polythéisme, rendu sacré par le temps, embelli du charme de la poésie et de la pompe des fêtes, favorisé par les passions du cœur, et l'adresse des prêtres atteignit dès le siècle de Thémistocle et d'Aristide à son plus haut point d'influence et de solidité. Décadence du polythéisme chez les Grecs, occasionnée par les sectes philosophiques et plusieurs autres causes. Mais tandis que le polythéisme voyait se multiplier ses temples, une cause de destruction avait germé dans son sein. Les écoles de Thalès et de Pythagore voyaient chaque jour s'augmenter leurs disciples. Les ravages de la peste, les malheurs de la guerre du Péloponnèse, la corruption des mœurs toujours croissante, avaient relâché graduellement les liens sociaux. Bientôt la philosophie, qui s'était longtemps traînée dans l'ombre, se traîna à découvert. Platon, Aristote, Zénon, Épicure et mille autres levèrent l'étendard contre la religion de leur pays et érigèrent l'autel du matérialisme, du théisme et de l'athéisme. Le lecteur se rappelle leur système. Qu'y avait-il de plus opposé aux opinions reçues sur la nature des dieux? N'ébranlait-il pas les idées religieuses de la Grèce jusqu'à la base? Et pourquoi ce déchaînement contre le culte national? Des atomes, des mondes d'idées, des chaînes d'êtres, valait-il mieux qu'un Jupiter vengeur du crime et protecteur de l'innocence? Il y avait bien peu de philosophie dans cette philosophie-là. Les poètes, imitant les sophistes de leur âge, osèrent mettre sur le théâtre des principes métaphysiques. Les prêtres et les magistrats firent quelques efforts pour arrêter le torrent. On obligea les dramatistes à se rétracter. Plusieurs philosophes furent condamnés à l'exil, d'autres mêmes à la mort. Mais ils trouvèrent le moyen d'échapper et bientôt ils devinrent trop nombreux pour avoir rien à craindre. La même chose est exactement arrivée parmi nous. Et dans les deux cas, une grande révolution a eu lieu. Toutes les fois que la religion d'un État change, la constitution politique s'altère de nécessité. Nous voyons par l'exemple de la Grèce à quel point l'esprit systématique peut nuire aux hommes. Les sectaires ne pouvaient pas, comme les nôtres, avoir le prétexte des mauvaises institutions de leur pays, puisqu'ils vivaient sous les lois des Solons et des Lycurgues. Et cependant, ils ne purent s'empêcher d'en saper les fondements. C'est qu'il faut que les hommes fassent du bruit, à quel prix que ce soit. Peu importe le danger d'une opinion si elle rend son auteur célèbre. Et l'on aime mieux passer pour un fripon que pour un sot. les changements moraux et politiques des États vinrent à leur tour attaquer les principes du polythéisme. Les peuples, désormais soumis à des maîtres, n'avaient plus les grands intérêts de la patrie à consulter à Delphes. Que leur faisait d'apprendre de l'oracle si ce serait Alexandre Antipater, Démétrius ou d'autres tyrans qui les gouverneraient ? Ceux-ci, de leur côté, sûrs de leur puissance, en voyant la corruption des nations, s'embarrassaient peu d'envoyer des riches présents à la Pythie. Et la superstition ne leur étant plus nécessaire, ils se firent eux-mêmes philosophes. Ainsi l'ancien culte tombait de jour en jour. Il ne se soutenait désormais que par la machine extérieure des fêtes. Plus on devenait tiède en matière de religion, plus on en apercevait l'absurdité. Le double sens de l'oracle n'était plus la majesté d'un dieu, mais la fourberie d'un prêtre. On s'amusait à le surprendre en défaut. Les phénomènes de la nature expliqués par la physique perdirent leur divinité et les lumières arrachèrent du panthéon les dieux que l'ignorance y avait placés. Telle était la décadence du polythéisme en Grèce lorsque les Romains soumirent la terre à leur joug. Les religions naissent de nos craintes et de nos faiblesses, s'agrandissent dans le fanatisme et meurent dans l'indifférence. Le polythéisme à Rome jusqu'au christianisme. La réduction de la Grèce en province romaine fut l'époque de la décadence de la religion en Italie. L'esprit philosophique émigra à la capitale du monde. Bientôt tout ce qu'il y eut de grand à Rome en fut attaqué. Les Catons, les Brutus en pratiquèrent les vertus, les Lucrèces, les Cicérons en développèrent les principes, et les Tibères et les Nérons les vices. Une autre cause particulière aux Romains contribua à la chute du polythéisme, l'admission des dieux étrangers au panthéon national. En répandant la confusion dans les objets de foi, on affaiblit la religion dans les cœurs. Bientôt les Romains, encore républicains, mais corrompus, tombèrent dans l'apathie du culte. Il n'y a que les peuples très libres ou très esclaves qui soient essentiellement religieux. Les premiers, par leur vertu, se rapprochent de la divinité, les seconds se réfugient au pied de son trône par l'instinct de leur malheur. L'honnête homme et infortuné sont rarement incrédules, le vice l'est presque toujours. Mais un homme extraordinaire avait paru dans l'Orient, le commencement du christianisme étant la fin du polythéisme, l'histoire de celui-ci va désormais se trouver réunie à celle du premier. Histoire du christianisme depuis la naissance du Christ jusqu'à sa résurrection. Il existait un peuple haï des autres peuples, nation esclave et cruelle qui, hors un législateur, un roi et quelques poètes d'un beau génie, n'avait jamais produit un seul grand homme. Le dieu du Sinaï était son dieu. Ce n'était point comme le Jupiter des Grecs, une divinité revêtue des passions humaines, mais un dieu tonnant, un dieu sublime, qui entre toutes les cités de la terre choisit la fille de Jacob pour y être adorée. Parmi ce peuple juif, l'Éternel avait dit qu'une vierge de la maison de David écraserait la tête du serpent et enfanterait un homme dieu. Et cependant les siècles s'étaient écoulés. Et Jérusalem gémissait sous le joug d'Auguste, et le grand monarque tant attendu n'avait pas encore paru. Tout à coup le bruit se répand que le Sauveur a vu le jour dans la Judée. Il n'est point né dans la pourpre, mais dans l'humble asile de l'indigence. Il n'a point été annoncé aux grands et aux superbes, mais les anges l'ont révélé aux petits et aux simples. Il n'a point réuni autour de son berceau les heureux du monde, mais les infortunés. Et par ce premier acte de sa vie, il s'est déclaré de préférence le dieu du misérable. Si la morale la plus pure et le cœur le plus tendre, si une vie passée à combattre l'erreur et à soulager les maux des hommes sont les attributs de la divinité, qui peut nier que celle de Jésus-Christ, modèle de toutes les vertus ? L'amitié le voit endormi sur le sein de Jean ou léguant sa mère à ce disciple chéri. La tolérance l'admire avec attendrissement dans le jugement de la femme adultère. Partout la pitié le trouve, bénissant les pleurs de l'infortuné. Dans son amour pour les enfants, son innocence et sa candeur se décèlent, la force de son âme brille au milieu des tourments de la croix, et son dernier soupir dans les angoisses de la mort est un soupir de miséricorde. Accroissement du christianisme jusqu'à Constantin. Le Christ, dans sa glorieuse ascension, ayant disparu aux yeux des hommes, ses disciples, doués de son esprit, se disséminèrent dans les contrées voisines. Bientôt ils passèrent en Grèce et en Italie. Nous avons vu les diverses raisons qui tendaient alors à affaiblir le culte de Jupiter quelle fut la surprise des peuples lorsque les apôtres sortis de l'Orient vinrent étonner leur esprit par des récits de prodiges et consoler leur cœur par la plus aimable des morales. Ils étaient esclaves et la nouvelle religion ne prêchait qu'égalité. Souffrant, et le Dieu de paix ne chérissait que ceux qui répandent des larmes. Ils gémissaient écrasés par des tyrans et le prêtre leur chantait « Deposuit potentes de sede et excaltavit humiles ». Enfin, Jésus avait été pauvre comme eux et il promettait un asile aux misérables dans le royaume de son Père. Quelle divinité du paganisme pouvait, dans le cœur du faible et du malheureux, balancer le nouveau Dieu qu'on offrait à ses adorations ? Qu'avaient les plébéiens à espérer d'un Élysée où l'on ne comptait que des princes et des rois ? Voilà les grands moyens qui favorisèrent la propagation du christianisme. Aussi est-il remarquable qu'il se glissa d'abord dans les classes indigentes de la société. Les disciples furent bientôt assez nombreux pour former une secte. On la persécuta et conséquemment on la crut. Les premiers chrétiens, trompant les bourreaux, se dérobaient au supplice et s'affermissaient dans leur culte. Une religion a bien des charmes lorsque, prosternée au pied des autels, dans le silence redoutable des catacombes, on dérobe au regard des humains un dieu persécuté. Tandis qu'un prêtre saint, échappé à mille dangers et nourri dans quelques souterrains par des mains pieuses, célèbre peut-être à la lueur des flambeaux devant un petit nombre de fidèles des mystères que le péril et la mort environnent. Des martyrs, des miracles populaires, les vices des Néron et des Caligula, tout concourut à multiplier la nouvelle doctrine. Après avoir essayé de la détruire, les empereurs songèrent à s'en servir. Constantin arbora l'étendard de la croix et les dieux du paganisme tombèrent du Capitole. Suite, depuis Constantin jusqu'aux barbares. La religion chrétienne ne fut pas plutôt solidement établie qu'elle se divisa en plusieurs sectes. On vit alors ce qu'on avait ignoré jusqu'à ce temps, je veux dire un caractère nouveau de culte. On vit des hommes se jeter dans tous les écarts de l'imagination et se persécuter les uns les autres pour des mots qu'ils n'entendaient pas. Les prêtres, durant ces troubles, commencèrent à acquérir une influence que ceux du polythéisme n'avaient jamais eue et à jeter les fondements de la grandeur des papes. Julien voulut faire un dernier effort en faveur des dieux de l'Olympe. Il abjura le christianisme en qualité de guerrier, de politique et de philosophe. Il avait une triple raison de s'opposer au progrès du christianisme. Il sentait que partout où une nouvelle religion s'établit, l'État court à une révolution inévitable. Mais il était trop tard pour y remédier, et en cela Julien se trompa. Il ne se contenta pas d'attaquer le christianisme par la force civile, il le fit encore par le sel de ses écrits. Plusieurs philosophes s'exercèrent aussi sur le même sujet. On opposait aux miracles de Jésus ceux de divers imposteurs, les poètes d'un autre côté, trouvant que Belzébuth et Astaroth entraient mal dans le maître de Virgile, regrettaient Pluton et l'ancien Tartare. Les chrétiens ne manquaient pas de champions qui réussissent à railler les dieux du Panthéon que Lucien avait déjà traînés dans la boue. Julien, ayant péri dans son expédition contre les Perses, la croix sortit triomphante. Mais le moment critique était arrivé. Constantin, en divisant l'Empire et réformant les légions, lui avait porté un coup mortel. Les malheurs de la famille de ce prince ébranlèrent le système romain. Les opinions religieuses vinrent augmenter le désordre. Des myriades de barbares se précipitèrent sur toutes les frontières. Théodose soutint un moment le choc. Le calme avait reparu, quand tout à coup le destructeur de l'Empire, le génie des Huns, qui du mur de la Chine s'était durant 3 siècles avancé en silence à travers les forêts, jeta un cri formidable dans le désert. À la voix du fantôme, les Goths, épouvantés, se précipitèrent dans l'Empire. Valence tomba du trône de l'Orient, et peu après, un roi d'Italie régna sur le patrimoine de Brutus. Suite. Conversion des barbares. Si le christianisme avait trouvé dans les malheurs des hommes une cause de ses premiers succès, cette cause agit dans sa plus grande force au moment de l'invasion des barbares. Un bouleversement général de propriétés et de libertés eut lieu en même temps dans tout le monde connu. On écrasait les hommes comme des insectes. Lorsque les Vandales ne pouvaient prendre une ville, ils massacraient leurs prisonniers et abandonnaient leurs cadavres à l'ardeur du soleil autour de la cité assiégée, ils y communiquaient la peste. Toute autorité étant donc dissoute aux civils, les prêtres seuls pouvaient protéger les peuples. Ce qui restait encore d'habitants attachés à l'ancien culte se rangea sous la bannière du christianisme. Si jamais la religion apparut grande, c'est lorsque, sans autre force que la vertu, elle opposa un front auguste à la fureur des barbares et les subjuguant d'un regard les contraignit de dépouiller à ses pieds leur férocité native. On conçoit aisément comment des sauvages sortis de leur forêt, n'ayant aucun préjugé religieux antérieur à déraciner, se soumirent à la première théologie que le hasard leur offrit. L'imagination est une faculté active, à la fois écho et miroir de la nature qui l'environne. Celle de l'homme des bois, frappé du spectacle des déserts, des cavernes, des torrents, des montagnes, se remplit de murmures, de fantômes, de grandeurs, présentez-lui alors des objets intellectuels, elle les saisira avidement, surtout s'ils sont incompréhensibles, car la mort de l'imagination, c'est la connaissance de la vérité. D'autres raisons facilitèrent encore la conversion des barbares au christianisme. À mesure qu'ils émigraient vers le sud, en quittant les régions sombres et tempestueuses du septentrion, ils perdaient l'idée de leur culte paternel, inhérent au climat qu'ils habitaient. Un ciel rasséréné ne leur montrait plus, dans les nuages, les âmes des héros décédés. Ils ne traversaient plus, à la pâle lueur de la lune, des bruyères désertes, des vallées solitaires, où l'on entendait derrière soi les pas légers des fantômes. Des ombres irritées ne saisissaient plus la cime des pins dans leur course. Le météore ne reposait plus entre les rameaux du cerf au bord du torrent bleuâtre. Le brouillard du soir avait cessé d'envelopper les tours. La bouffée de la nuit de siffler dans les salles abandonnées du guerrier, le vent du désert de soupirer dans l'herbe flétrie et autour des quatre pierres moussues de la tombe. Enfin, la religion de ces peuples s'était dissipée avec les orages, les nues et les vapeurs du nord. D'ailleurs, le nouveau culte qu'on leur offrait n'était pas si étranger aux dogmes de leur père qu'on l'a généralement cru. Si Jéhovah créa Adam et Ève, Odin aussi avait formé de limon le brave Ascus et la belle Hemla. René Rousse leur donna la raison, et Loédour, versant dans leurs veines les flots d'un sang pur, ouvrit leurs yeux à la vie. Enfin, les rois barbares, déjà politiques, embrassèrent le christianisme pour obtenir des empires. Et les hommes, ayant changé de mœurs, de langage, de religion, ayant perdu jusqu'au souvenir du passé, crurent être nouvellement créés sur la terre. Depuis la conversion des barbares jusqu'à la renaissance des lettres, le christianisme atteint à son plus haut point de grandeur. Au milieu de ces orages, les prêtres, croissant de plus en plus en puissance, étaient parvenus à s'organiser dans un système presque inébranlable. Des sectes de solitaires, vivant à l'abri des cloîtres, formaient les colonnes de l'édifice. Le clergé régulier, classé de même, en ordres distincts et séparés, exécutaient les décrets du pontife romain qui, sous le nom modeste de pape, s'était placé par degrés à la tête du gouvernement ecclésiastique. L'ignorance, redoublant alors ses voiles, servait à donner à la superstition une apparence plus formidable. Et l'Église, environnée de ténèbres, qui agrandissait ses formes, marchait comme un géant au despotisme. Ce fut après le règne de Charlemagne et la division de son empire que le christianisme atteignit à son plus haut point de grandeur. Les guerres civiles d'Italie, connues sous le nom des guerres des Guelfes et des Ghibellins, offrent un caractère neuf à quiconque n'a pas étudié les hommes. Les papes, attaqués par les empereurs, avaient contre eux la moitié des peuples d'Italie qui les regardaient comme des tyrans et des scélérats. Cependant, un édit de la cour de Rome détrônait tel ou tel souverain, l'obligeait à venir pieds et têtes nus se morfondre en hiver sous les fenêtres du pontife, qui daignait enfin lui accorder une absolution humblement demandée à genoux. Rome religieuse se trouvait alors mêlée dans toutes les affaires civiles et disposait des couronnes comme des hochets de sa puissance. Les croisades, qui suivirent bientôt après, forment époque dans l'histoire du christianisme, parce qu'en adoucissant les mœurs par l'esprit de chevalerie, elles préparèrent la voie au retour des lettres. C'était alors que les sires de Créqui, embrassant leur écu, abandonnaient leur manoir pour aller en quête de royaumes et d'aventures. Ces bons chevaliers se trouvaient-ils, sans armes, dans un péril imminent ? Ils se jetaient tous aux pieds les uns des autres, comme le rapporte le sire de Joinville, en s'entre-demandant naïvement l'absolution. Avait-il la lance au poing au milieu des dangers ? Il se disait en riant « Bio sire, et en feront moult récits à les damsels ». Pour compléter l'histoire du christianisme, je vais maintenant montrer les armes avec lesquelles les philosophes modernes sont parvenus à le renverser, de même que j'ai expliqué les systèmes par lesquels les sophistes grecs ébranlèrent le polythéisme. Il y a cependant entre eux cette différence que les Platons et les Aristotes se contentèrent de publier des dogmes nouveaux sans attaquer directement la religion de leur pays, tandis que les Voltaire et les D'Alembert, sans énoncer d'autres opinions, se déchaînèrent contre le culte de leur patrie, en cela bien plus immoraux que les sectaires d'Athènes. J'avertis que, dans les chapitres qui vont suivre, je n'y suis plus pour rien. Simple narrateur des faits, je rapporte, comme mon sujet m'y oblige, les raisonnements des autres sans les admettre. Il est nécessaire de faire connaître les causes qui nous ont plongés dans la révolution actuelle. Or, celles-ci sont d'entre les plus considérables. Objection des philosophes contre le christianisme, objection philosophique. On peut diviser les différentes objections des philosophes contre le christianisme en quatre sortes. Premièrement, objection philosophique proprement dite. Deuxièmement, objections historiques et critiques. Troisièmement, objection contre le dogme. Quatrièmement, objection contre la discipline. Voyons les premières. Objection philosophique. La création est absurde. Quelle volonté peut tirer une parcelle de matière du néant ? Toutes les raisons imaginables ne renverseront jamais cet axiome commun. Rien ne se fait de rien. Mais les Écritures mêmes ne l'admettent pas. Le néant. Et l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. Voilà donc la matière coexistante avec l'Esprit. Voilà donc un chaos. Dieu, dites-vous, a été l'architecte. Ce n'est plus le système chrétien. Mais voyons si cela même peut être admis. Si Dieu a arrangé la matière, c'est un être impuissant et borné. Le chaos étant la première forme et de nécessité la meilleure puisqu'elle est la forme naturelle. Puisque les vices, les souffrances, les chagrins y dorment passifs. Qu'a fait Dieu ? Il a tout séparé, tout divisé, et en classant les maux, il n'a fait qu'un monde vulnérable dans toutes ses parties, d'un univers engourdi et tranquille. Il a donné une âme à la douleur et rendu les peines sensibles. Il s'est donc mépris, et son prétendu ordre est un affreux désordre. Mais nous vous abandonnons la majeure, nous supposons pour un moment que tout est émané de Dieu. Ce Dieu, en créant l'homme, lui a dit « Tu ne pécheras point ou tu mourras ». Il avait prévu qu'il pécherait et qu'il mourrait. « Tu seras bon et vertueux, ou je te condamnerai aux peines de l'enfer ». Et Dieu savait qu'il ne serait ni bon ni vertueux, et c'était lui qui l'avait créé. Dieu, répondez-vous, vous a fait libre. Ce n'est pas là la question. A-t-il prévu que je tomberais ou que je serais à jamais malheureux ? Oui, indubitablement. Eh bien, votre Dieu n'est plus qu'un tyran horrible et absurde. Il donne aux hommes des passions plus fortes que leur raison, et il s'écrie « Je t'ai donné la raison ». Sans doute, et les passions aussi. Et tu savais que celle-ci l'emporterait. Tu prévis des millions de siècles avant ma naissance que je serais vicieux, que je serais condamné à ton tribunal aux éternelles douleurs. Qui t'obligeait à me tirer du néant ? Qui te forçait, être tout-puissant, à faire un misérable ? Ne pouvais-tu me rendre fort et vertueux au degré nécessaire pour me rendre heureux ? Tu te crées des victimes et tu les insultes au milieu des tourments en leur parlant d'un franc arbitre sur des choses que ta préscience t'a fait connaître de toute éternité et qui, par la raison même que tu les avais prévues, devaient nécessairement arriver. Dieu ne pouvait vous empêcher de naître dans la chaîne des êtres où votre place se trouve marquée. D'accord, mais ceci n'est plus le Dieu des Juifs, c'est la destinée, autre système qui a ses inconvénients. Vous vous retranchez dans le grand argument. Et vous dites que nous ne pouvons pas plus comprendre le grand être qu'un ciron ne saurait comprendre un homme. Cette raison, excellente en elle-même, ne prouve rien pour les Écritures. Je m'en tiens à ce que je ne puis comprendre Dieu. Et là-dessus, je n'ai pas plus de motif d'en croire Moïse que Platon, excepté que celui-ci raisonne mieux que celui-là. Je passe une multitude d'autres raisons philosophiques, telles que celles tirées des diverses espèces de l'homme, de l'ancienneté du globe, etc., et je vais aux raisons historiques et critiques. Objections historiques et critiques. Les prophètes d'Israël avaient depuis longtemps annoncé la mission du Fils de Dieu. Et il est venu, ce Fils de Dieu, et la lettre des prophéties a été accomplie. Une chose n'est pas prédite parce qu'elle arrivera, mais elle arrive parce qu'elle est prédite. De cela, les évangiles même font preuve. Ils ont la naïveté de nous dire à chaque ligne « Et Jésus fit cette chose afin que la parole du prophète fût accomplie ». Mais sans nous arrêter à combattre votre futile argument, nous vous montrerons que cette annonce du Christ ne vient que de la honteuse ignorance des Juifs. Ils convertirent en prédiction le calendrier céleste des Égyptiens qu'ils n'entendaient pas. Là, on voyait tout le mystère de la Vierge et de son Fils, qui ne signifiait autre chose que le lever et le coucher de diverses constellations. Les Hébreux, en sortant d'Égypte, emportèrent ces signes et les transformèrent bientôt en des fables les plus absurdes. Il y a bien plus, c'est qu'il n'est pas du tout démontré qu'il n'exista jamais un homme appelé Jésus qui se fit crucifier à Jérusalem. Quelles sont vos preuves de ce fait? Les Évangiles. Admettriez-vous dans un procès comme valide des papiers visiblement écrits par une des parties? Nous raisonnons ici comme si nous croyions à l'authenticité du Nouveau Testament, ce que nous sommes bien loin de faire, comme on le verra par la suite. Loin de rien trouver dans l'histoire qui admette la vérité de l'existence du Christ, nous voyons d'après les auteurs latins qui parlent avec le dernier mépris de la secte naissante que les évangiles n'étaient pas même entendus à la lettre par les premiers chrétiens. C'étaient des espèces d'allégories, des mystères auxquels on se faisait initier comme à ceux d'Éleusis. Mais encore, il vous a plu de supprimer une multitude d'évangiles que vous appelez apocryphes, qui cependant ne le sont pas plus que les autres. Là, on remarque tant de contradictions. Contradictions que vous n'avez pu même faire disparaître des évangiles que vous nous avez laissés. Qu'il faut nécessairement en conclure que, dans le principe, l'histoire du Christ était un conte qu'on brodait selon son bon plaisir. Les premiers schismes de l'Église viennent à l'appui de cette opinion. Les prêtres ne s'entendaient pas plus sur le fond que sur la forme. Comment se peut-il qu'étant si près de l'événement, ils ignorassent la vérité? Il est trop clair, par ce choc de sentiments opposés, que le système chrétien n'étant pas encore formé, chacun le modifiait à sa manière. Rien ne paraît donc moins prouvé que l'existence du Christ. Allons plus loin. Admettons la réalité de sa vie et l'authenticité des évangiles. De la simple lecture de ceci résulte le renversement de la divinité de Jésus. Nous voyons que tout ce qu'il y avait d'honnêtes gens à Jérusalem, les prêtres, les magistrats, enfin, cette classe d'hommes, que dans tous les temps on croit de préférence à la populace, regardait le Christ comme un imposteur qui cherchait à se faire un parti. On lui demanda des miracles publics, il ne put en faire, mais il ressuscitait, il est vrai, des morts parmi la canaille. Dans ses réponses, il ne s'explique jamais clairement, il parle obscurément, comme l'oracle de Delphes. Quant à sa résurrection, un peu de vin et d'argent aux gardes en explique tout le mystère. À qui apparut-il après sa sortie triomphante du tombeau? À ses disciples, à des femmes crédules, à des gens qui avaient intérêt à prolonger l'imposture. Il ne se montra pas aux prêtres, au peuple, aux magistrats qui le virent expirer et qui étaient bien sûrs qu'il n'était plus. Passons au dogme. Objection contre le dogme. Il paraît, par les preuves internes et externes, que les évangiles ne furent jamais prêchés par Jésus ni écrits par ses disciples. Ils furent, en toute probabilité, composés à Alexandrie dans les premiers siècles de l'Église. Après les conquêtes d'Alexandre et l'érection du royaume égyptien par les Ptolémées, les écoles de la Grèce furent transférées à Alexandrie où elles prirent un nouvel éclat. De la situation de cette cité qui formait le passage entre l'Orient et l'Occident, il en résulta que les opinions des brahmanes des Indes, des mages de la Perse, des anciens prêtres de l'Égypte et des philosophes de l'Ouest vinrent se concentrer dans ce foyer commun d'erreurs et de lumières. C'est au milieu de la bibliothèque d'Alexandrie et de cette foule de sectes que les évangiles furent visiblement compilés. Ils sont un mélange de diverses doctrines, recueillies dans un corps et revêtues du langage figuré de l'Orient. Leur auteur ou leurs auteurs furent sans doute doués d'un beau génie et d'une âme sensible. En rassemblant la morale de tous les sages, la simplicité et la pureté des leçons de Socrate, l'élévation des principes de Confucius, de Zoroastre, de Moïse, ils y mêlèrent une tendresse de cœur qui leur était propre. et en y faisant entrer le roman touchant et allégorique du Christ, ils parvinrent à répandre le plus grand charme sur leur ouvrage. Telle est l'histoire de la partie morale des évangiles. Quant aux dogmes, les voici. Le mystère de la Trinité est emprunté de l'école de Platon. Dieu l'esprit ou les idées, l'âme du monde ou le Fils incorporé à la matière. De Vishnu, des Brahmanes, vient le mystère de l'incarnation, qui correspond d'ailleurs à l'âme du monde des académiques. La Vierge, comme nous l'avons déjà dit, renferme un emblème astronomique. La persécution, le martyr et la résurrection du Christ ne sont que le dogme allégorique persan concernant le bon et le mauvais principe, dans lequel le méchant triomphe et détruit d'abord le bon, ensuite le bon renaît et subjugue à son tour le méchant. La doctrine de la rénovation des choses et de la résurrection des corps après l'incendie général du globe se tire de la secte de Zénon ou des fatalistes. Il serait aisé, disaient les philosophes, de morceler ainsi tous vos évangiles et d'en montrer les pièces de rapport, mais tenons-nous-en ici. Il suffit d'avoir fait voir où vos dogmes fondamentaux ont été puisés. Nous allons maintenant parler de la discipline de votre Église. Objection contre la discipline. Vous dites que c'est Dieu lui-même qui a établi votre Église où tout respire une origine divine. En vérité, il faut que vous supposiez les hommes bien sots ou bien ignorants. Votre hiérarchie de cardinaux, d'archevêques, d'évêques, de prêtres, de diacres, de sous-diacres, sont des institutions égyptiennes. Là se trouvait un hiérophante, d'où découlait une suite de prêtres qui diminuaient d'ordres et de pouvoirs en raison de leur plus ou moins d'éloignement du chef suprême. L'Occident et l'Orient surtout vous fournirent le modèle de vos cérémonies et de vos costumes. Vous imitâtes les chœurs d'enfants, la marche sur deux colonnes, les oscillations de l'encensoir, la génuflexion et le chant à de certains signaux réguliers, d'après les pompes attiques et romaines. Vous retenez de nos jours, dans nos cérémonies funèbres, l'air qu'on chantait à Athènes dans des occasions semblables au siècle de Périclès, et plusieurs de vos sectes marchent encore dans la sandale grecque. La tenture, l'exposition des tableaux, la suspension des lampes, les dais, les vases d'or et d'argent nous viennent de l'Orient. Mais que disons-nous ? Vous portez sur vous-même les marques du paganisme sans vous en apercevoir. La tonsure sur votre tête, l'étole à votre cou, l'hostie et le sacrement rayonnant dans vos mains. Ne sont-ils pas les mêmes symboles qui, parmi les prêtres de la Perse, représentaient le disque et les rayons de l'astre qu'on y adorait ? Si les mages revenaient parmi nous, ne croiraient-ils pas en voyant vos mitres, vos robes, vos surplis, vos chapes, que vous êtes les membres de leur secte disséminés chez des peuples barbares? Le détail de vos cérémonies offre les mêmes rapports. On sait que la communion est une institution judaïque. L'époque de vos fêtes correspond exactement à celle des fêtes chez les anciens. Vous avez conservé, même dans vos prières, les formes latines. La messe des rameaux, dans le XIe siècle, où le peuple répétait trois fois en chorus le cri d'un âne après l'ita missa est, cachait une des allégories les plus obscènes de l'Antiquité. Le carnaval avant le jour des cendres n'était qu'un reste des bacchanales. Enfin, il est clair que vous dérivez votre discipline des prêtres du polythéisme. « Nous ne condamnons pas ceci absolument, » ajoutaient les philosophes. « Nous vous en voulons seulement de n'être pas de bonne foi et de vouloir faire passer tout cela comme provenant d'une origine céleste. Nous sentons fort bien que vous n'auriez jamais converti les peuples au christianisme sans la solennité du culte. C'est en quoi nous préférons la secte romaine. Il est ridicule d'être luthérien, calviniste, quaker, etc., et de recevoir, à quelque différence près, l'absurdité du dogme et de rejeter la religion des sens, la seule qui convienne au peuple. Il n'est pas plus difficile de croire le tout qu'une partie, et lorsque l'on admet l'incarnation, il n'en coûte pas davantage d'adopter la présence réelle. Telles étaient les objections des philosophes modernes contre le christianisme, objections dont je n'ai extrait qu'une très petite partie. Je suis fâché que mon sujet ne me permette pas de rapporter les raisons victorieuses avec lesquelles les Abadis, les Hauteville, les Bergiers, les Warburton ont combattu leurs antagonistes et d'être obligés de renvoyer à leurs ouvrages. Moi qui suis très peu versé dans ces matières, je répéterai seulement aux incrédules, en ne me servant que de ma faible raison, ce que je leur ai déjà dit. Vous renversez la religion de votre pays, vous plongez le peuple dans l'impiété et vous ne proposez aucun palladium de la morale. Cessez cette cruelle philosophie. Ne ravissez point à l'infortuné sa dernière espérance. Qu'importe qu'elle soit une illusion, si cette illusion le soulage d'une partie du fardeau de l'existence. Si elle veille dans les longues nuits à son chevet solitaire et trempé de larmes. Si enfin elle lui rend le dernier service de l'amitié en fermant elle-même sa paupière lorsque, seul et abandonné sur la couche du misérable, il s'évanouit dans la mort. Fin de la section 14.